moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Si on devait commencer une émission sur la rue et le skateboard avec un morceau de musique, vous choisiriez lequel ? Waouh. Pedro Winter, DJ et producteur de musique. Alors après, c'est des questions de génération. Effectivement, moi, je commencerai avec un morceau de Macrad. Le morceau s'appelle, laissez-moi une seconde, Weakness. Un morceau de fin des années 80. Et pour moi, c'est l'essence même du skate rock. D'une part parce qu'il a été utilisé dans une vidéo mythique qui s'appelle Public Domain. Et je pense que ça a marqué une génération de skateurs. Et ça a permis aussi d'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Mais voilà, Macra de Witness me semble le morceau idéal pour commencer cette séquence. Skate de la rue au JO. Deuxième épisode, le skate à la conquête de la ville. Raphaël Kraft, David Jakubowiez. Je reprends mon souffle. Alors, je dirais qu'il y a deux manières finalement de se propulser avec un skateboard, propulsion musculaire, comme un vélo hein, finalement, mais aussi on peut se servir de la gravité pour générer le mouvement. C'est la question d'énergie potentielle. Et c'est quelque chose qui est fantastique, c'est-à-dire que cette énergie potentielle, elle est liée à la gravité. Donc effectivement, plus tu es haut, et si tu cours, si tu dévales une pente, mais mieux encore si tu as des roues, et que tu te laisses glisser, tu vas aller de plus en plus vite, tu vas générer de l'énergie. Pourtant, tu pousses absolument pas. Donc en fait, tu n'as pas à donner d'impulsion. Et pourtant, cette énergie, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Et elle vient de la gravité. Donc ça, c'était quelque chose de pas tellement intuitif. Je suis toujours impressionné quand des physiciens ont réussi à se dire, en fait, il suffit de monter une échelle pour gagner en énergie potentielle. Je trouve ça absolument extraordinaire, quoi. Je pense que si mon prof de physique m'avait expliqué ça au collège, peut-être que Raphaël Zarka, j'aurais choisi une autre option plutôt que littéraire, tu vois. Plasticien et skateur. Et c'est plutôt des gens comme Paul Virilio et Claude Parent. Paul Virilio qui était à la fois philosophe et architecte. Autour d'Architecture Principe, le groupe qu'ils ont fondé quoi, dans les années 60, ils ont écrit plusieurs textes pour théoriser une architecture de la pente. Alors, la société de demain, enfin la société plutôt, le monde architectural de demain, s'il est parfait et agréable à contempler, est-ce qu'il laissera une place à l'évasion ? Je le crois, certainement, puisque tout, dans le fond, toute notre époque va vers l'évasion. Seulement, c'est pas l'évasion, disons, vers un espèce d'imaginaire merveilleux, c'est une évasion vers une réalité merveilleuse. Je crois que c'est par là que l'architecture et surtout l'urbanisme permettront l'évasion. Je crois que cette évasion sera intégrée dans la ville future. Finalement, c'est un constat extrêmement simple que font Parent et Virilio. Ils trouvent que la dualité du chemin et ou du bâti est arbitraire. Il suffirait que le bâti soit incliné pour qu'il continue à être un chemin, au lieu de bloquer l'espace cheminatoire. Donc ils disent, ben, il y en a marre des angles à 90 qui nous empêchent de circuler, il suffirait de penser à des chemins qui deviennent des maisons ou des maisons qui soient praticables. Ce qui est un paradis pour le skateur. Effectivement, c'est un paradis pour le skateur et on le voit dans leurs dessins ou dans leurs maquettes. Il semble d'ailleurs que ce soit une ville qui est beaucoup plus adaptée aux roues ou aux roulettes qu'aux piétons. Ils ont des schémas, par exemple, dans certains de leurs textes, où ils calculent les possibilités de pratiquer certaines pentes. Tant de degrés, c'est possible, c'est facile. Un peu plus haut, c'est facile, mais ça commence à être fatigant. Et il y a un seuil qui arrive très vite, je ne sais pas à combien, 30, 40 degrés, où ils disent que c'est la limite de l'adhérence pour un piéton, pas du tout pour un skater. Puisqu'on a vu que les skaters, grâce à cette force centrifuge ou peut-être centripète, eux arrivent à rester collés aux parois, même sur un mur à 90. Qu'est-ce que c'est que cette révolution qui se passe au début des années 80 pour le skater ? Cette révolution, elle a un nom, c'est le holi. La révolution copernicienne du monde du skateboard, c'est-à-dire qu'il y a un décentrement énorme. Avant, on pensait que toutes les planètes tournaient autour de la Terre, et là, tout d'un coup, grâce au holi, on va changer de paradigme. Tous les espaces du skate vont changer. On n'a plus besoin nécessairement de la courbe. On n'a plus besoin de cette transition. On peut continuer de l'apprécier, ça change absolument rien, mais on n'est plus tributaire de la courbe pour passer de l'horizontale à la verticale. On n'est pas forcé juste de descendre le trottoir dans le sens de la gravité. On peut aussi remonter le trottoir. On peut donc pratiquer un espace discontinu, ligne brisée, une marche, quoi. Avant, on pouvait descendre, mais pas monter. Et là, ça y est, c'est fini. Grâce à un jeu de pieds, comment j'ai pu décrire ça quand ça me préoccupait ? On fléchit les jambes. Alors, ok, on fléchit les jambes. On vient taper l'arrière du skate. Donc, les roues avant se soulèvent. Et là, on saute. Le pied avant remonte le long de la planche. Entraîne les roues arrière. Entraîne les roues arrière, tout à fait. Donc le skate se retrouve parallèle au sol, et ensuite, on se laisse retomber au sol. On peut monter à jusqu'à combien ? Il y a des skaters qui arrivent à sauter à plus d'un mètre, là ça dépend de la détente de chacun. Vous pouvez nous faire un petit ollie ? Oui. Donc je fléchis, je tape l'arrière du skate, et j'essaye de remonter le pied avant et de stabiliser la planche pour qu'elle soit parallèle au sol. Magnifique. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push, yeah, and coast. Donc il y a tout un vocabulaire de forme et d'espace qui s'ouvre tout d'un coup. Claude Kerel, skateur et plasticien, historien amateur. Et d'ailleurs, le holi, c'est intéressant parce que ça n'est pas en Californie cette fois, mais c'est en Floride. Il y a Alan Galfan, son surnom est holi, donc le holi vient de là. Et celui qui arrive à adapter le holi au plat, en fait, c'est Rodney Mullen, qui est aussi un Floridien. Et voilà, ces deux Floridiens qui sont là avant les Californiens, et c'est important de le souligner. C'est important aussi de le souligner parce que les parcs floridiens sont de médiocre qualité. Ils ont parfois quelques défauts. Donc, par exemple, ce Holin Galfand, en fait, il raconte qu'il y a aussi une rupture dans la fabrication sur une des parois du skatepark qui fait que la rupture lui fait, à chaque fois qu'il passe dessus assez vite, les roues ne sont plus en adhérence par rapport au support. Donc en fait, c'est un accident ou c'est un mauvais design qui participe aussi à une invention incroyable, quoi. Sur place, j'arrive pas. Parce que tu rééquilibres pas à la fin. Parce que je regarde devant moi. J'ai 49 ans. Mathias Tomer, cofondateur du skatepark Cosa Nostra à Chelles. Et je suis tombé dans le skateboard Noël 79. Vous pouvez nous parler du contexte ? Vous vivez où ? Qu'est-ce qu'il y a sous le sapin ? Comment ça se passe ? Bah, ça se passe plutôt bien. Je suis un bon élève à l'école, donc du coup, le Noël va être chargé et fourni. Vous avez quel âge en 79 ? J'ai 6 ans. 6 ans, donc je crois encore au Père Noël. Et puis ce soir-là, je m'en souviens bien parce qu'il y a des photos. C'est pour ça que j'arrive à m'en souvenir clairement. Je suis en pyjama, donc la tête un peu fatiguée du matin, mais comme un jeune enfant de 6 ans, super chaud, à 7 heures, d'aller descendre et voir ce qu'il y avait sous le sapin. Et je suis debout sur le skate avec toutes les protections, le casque. À l'époque, les skates étaient petits, fins. Les skates des années 70, donc 6 ans, Noël 79, c'est parti. Dans l'histoire qui a suivi, des années 80 aux années 90, oui, c'est passé de jouet à passion, à objet de déplacement, à obsession. On date à quand, l'obsession ? L'obsession, bah, il y a eu plusieurs phases, en fait. Moi, je suis passé par, à l'âge de 5-6 ans, par la phase à genoux, essayer timidement de me mettre debout. Et une fois que je me suis mis debout, bah, ça m'a permis de rencontrer un peu les gens qui faisaient du skate autour de chez moi. Puisque une fois que vous êtes debout, vous arrivez à vous déplacer, à sortir de la maison. Et puis après est arrivée la figure déclic qui est le ollie. Et la possibilité de décoller avec sa planche. J'ai vu une fois la figure, je crois l'avoir vue en vacances. Donc après, travail de mémoire intense. Puisque pas de ralenti, je pouvais pas mettre mes doigts sur l'écran et zoomer pour voir comment on faisait, non, pas possible, pas de vidéo. Je me souviens que j'étais dans le garage de la maison de mes parents et je me tenais à la tuyauterie, au plafond donc, et j'essayais de faire le ollie, donc je me suspendais à la tuyauterie pour essayer de décoller et j'essayais de comprendre le mouvement en me tenant à cette fameuse tuyauterie. Et quand ça marchait un peu dans le garage, il fallait le faire après en roulant dans la rue. Il fallait essayer de se lancer jusqu'au moment où on s'est monté. Quoi. Je m'appelle Jérémy Daclin, j'ai 50 ans et j'ai été 5 fois champion de France et champion d'Europe de street. Street. C'est censé représenter du mobilier urbain dans un espace clos, voilà. Dans votre tête d'adolescent de 14-15 ans, qu'est-ce que ça représente le hollière ? C'est le Graal ? C'est le truc qu'il faut absolument faire ? Eh ben, ça incarne justement la rupture avec l'ancienne génération. C'est-à-dire, l'ancienne génération était plutôt ceux qui faisaient du slalom et des choses qui étaient rigolotes, mais qu'on faisait vraiment quand du... méprisable ? Pas méprisable, mais parce qu'on le fait toujours, mais qui amène vraiment le skate moderne. Et c'est ça qui fait exploser le skate et qui le rend incroyable à voir. Quoi. C'est qu'il y a les gens qui volent, qui décollent, qui glissent sur des rampes d'escalier, qui sautent par-dessus des marches. C'est le truc qu'il faut absolument faire. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, on n'a que des photos de magazines. Et donc, on voit un instantané d'une personne en l'air. Et donc, il faut qu'on s'imagine ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et donc, pour apprendre à faire le ollie, on met deux ans, on le fait mal, on le fait, voilà, dans des postures qui vont pas et... Alors que dès 1982, Thrasher Magazine décline sur plusieurs photos avec Rodney Mullen. Ouais, Rodney Mullen, sûrement. Ils font une séquence photographique de comment faire le ollie. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il fallait avoir ce magazine entre les mains. Et on ne l'a pas. Thank you. avec le Ollie, c'est un changement radical dans la perception des espaces par les skaters. On découvre des espaces qu'on n'aurait jamais considérés comme propices à la pratique du skate. Et une autre manière aussi de le dire, c'est que grâce au Ollie, les skaters commencent à s'émanciper de la pratique du surf. Pour quelle raison ? C'est cette histoire de continuité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que jusqu'ici, on allait adapter des mouvements ou des postures physiques de corps qui venaient du surf dans des espaces continus, où il n'y a pas de décrochement, ou le moins possible. Mais avec le Ollie, tout d'un coup, on doit ou on peut tout réinventer. Grâce au Ollie, on a pu considérer que n'importe quelle arête de banc était une margelle de piscine, et on a pu traduire ou adapter toutes ces figures à l'orthogonalité, à un angle à 90 degrés. On n'avait plus besoin de la courbe pour passer du sol au coping. Il suffisait, mais c'est un mouvement extrêmement difficile à apprendre, de faire un ollie pour pouvoir venir glisser sur des arêtes d'un banc ou de n'importe quel élément de l'architecture orthogonale. Donc le skate prend possession de la rue en quelque sorte et il voit un nouveau terrain de jeu. Alors c'était déjà un terrain de jeu, mais il est beaucoup plus exploitable maintenant qu'on est capable de passer de l'horizontale à la verticale sans la courbe, la transition. C'est ça, il y a beaucoup plus de configurations spatiales, d'éléments de la ville qui sont susceptibles de devenir des spots. Donc des spots, des lieux intéressant pour la pratique du skate. Alors cette exploration de la ville, puis exploitation de la ville, qu'est-ce que ça dit du rapport du skater à l'architecture, à l'urbanisme, à l'environnement urbain ? Prendre ce qui t'entoure comme terrain de jeu. Mathias Thomer, cofondateur du skatepark Cosa Nostra à Chelles. Ce qui peut paraître oppressant au début devient un terrain de jeu formidable. Par exemple ? Le trottoir devant chez moi, qui est juste un trottoir à la con, mais d'un seul coup, c'est Euro Disney, Tahiti, la lune, les fonds sous-marins. Tu penses trottoir, t'es là, mais mec, c'est un truc de ouf. Le trottoir, je vais pouvoir peut-être monter dessus, peut-être rouler dessus, peut-être faire un nose manual, et j'ai peut-être même m'éjecter du trottoir pour sauter un truc. Ok. En fait, le truc qui est juste là, si mon cerveau il s'ouvre, c'est une folie, quoi. Et je m'en souviens bien du trottoir, de tout ce qu'il y a, toutes les imperfections deviennent des terrains d'expression, de créativité. La sortie bateau, le trottoir, ça baisse un peu et puis ça forme une sorte de petit, ce qu'on appelle un kicker, un bateau. Le bateau, tremplin pour moi, c'était le tremplin à sauter. Donc terrain de jeu incroyable et possibilités infinies. Et c'est ça que ça donne comme lecture de l'espace urbain. Alors, imagine, c'était juste le trottoir devant chez moi. Si t'as la chance d'être à Paris et que t'es vers le Dôme, les Tokyo, c'est complètement dingue. Donc moi, j'ai pété les plombs sur un trottoir, mais ceux qui avaient la chance d'avoir quelque chose d'assez agréable et cool à skater, s'ils arrivaient à se projeter dans ce truc-là, c'est une explosion. Alors je lisais dans un livre écrit par un skater et architecte anglais, Ian Borden, que le skater, lorsqu'il prend possession de la rue, inverse la fonction de l'habillage urbain. C'est-à-dire que vous parliez d'une rampe d'escalier qui est destinée à sécuriser le piéton, et là, elle se transforme en un lieu d'incertitude et de risque. Borden explique ça très bien. C'est que c'est étonnant ce qui se passe. Un handrail, un rail à main, une rampe d'escalier, c'est quelque chose qui est là pour stabiliser un mouvement, pour empêcher que quelqu'un tombe, alors que tout d'un coup, on va enlever la fonction handrail, un rail à main. On enlève la main, c'est plus la main qui nous sert là-dedans, et il reste le rail. Et là, il va avoir une fonction de rail, mais comme le rail d'un chemin de fer. Donc c'est une piste, c'est un élément qui sert à la mise en mouvement d'un corps, et pas juste à son confort ou à sa stabilité. Et donc on renverse la fonction de cette rampe d'escalier, on dynamise complètement et on la rend aussi périlleuse. C'est une question de réappropriation, en tout cas on change complètement l'usage, et en changeant l'usage, évidemment, on change le regard. a priori, il y a peu d'intérêt de chercher des parkings vides un dimanche. C'est plutôt le comble de l'ennui, quoi, quand on imagine un parking de supermarché vide un dimanche. Pourtant, j'ai passé une grande partie de mon adolescence sur le parking d'Intermarché le dimanche, juste parce qu'il y avait un espace couvert et quelques bouts de béton sur lequel on pouvait s'entraîner. Donc oui, il y a une requalification de ces espaces, et des espaces complètement déprimants, ça devient des espaces d'aventure, des espaces que l'on valorise, des espaces où on aime se retrouver ou traîner. Alors, ça peut être le parking de l'Intermarché, mais à Paris, ça peut être la place de la Bastille, ou ça peut être la Fontaine des Innocents. Ça a longtemps été un spot assez connu. Et dans ce cas-là, c'est des espaces où on commence à partager. Je veux dire, partager l'espace. Des places qui étaient complètement vides se sont transformées en lieux de vie, quoi. On était en plein centre-ville parfois, ou en plein cœur d'une cité, ou dans une résidence, parce que c'était incroyable à exploiter et on avait envie d'y skater tout le temps, quoi. Donc lieu de rencontre, lieu de vie, musique, échange, interaction avec les gens qui pouvaient vivre là. Je me souviens donc à côté de chez moi, plutôt à Neuilly-sur-Marne. Il y avait en plein centre de la cité des Fauvettes une sorte de place avec des champignons ou une sorte de courbe naturelle, on va dire. Et on allait skater là-bas, c'était assez incroyable, jusqu'au jour où ça a été compliqué avec les jeunes qui habitaient là-bas, puisqu'ils avaient l'impression qu'on piquait un peu le territoire. Il y a eu une bascule et une appropriation de l'espace urbain début des années 90 qui a été assez magique. Alors, vous parlez de concurrence de territoire. Alors, il n'y a pas que les jeunes qui sont sur leur territoire et où vous arrivez. Il y a aussi, je lisais un article de l'Humanité dans les années 90 où, au palais de Tokyo, le dôme, la police arrive, verbalise. Enfin, il y a une friction. Ouais, tout à fait. Alors, il y avait les gars, moi, banlieue, forcément, cité, résidence. On allait souvent, même à travers la France, je me suis rendu compte que les centres culturels, même à l'étranger, étaient plutôt des places assez cool à skater, parce que le côté culture nous laissait plus ou moins skater. C'était moins, on appelle la police pour nous chasser, ou moins une guerre de territoire, c'est chez nous, on vous vire, quoi. Mais en banlieue, on a eu aussi des services de sécurité quand on était sur les parkings de supermarchés. Quand on était proche des gares, c'était le service de sécurité de la gare. Résidence, ça pouvait être les habitants de la résidence qui pétaient les plombs. Moi, j'ai connu quand même pas mal de types de personnes qui nous ont éjectés. Ça permet de se rendre compte de l'ambiance d'une ville. C'est un thermomètre urbain. Vous voyez comment les gens vous acceptent. Là où ça a été magique, c'était Barcelone, fin des années 90, où là, les gens nous accueillent avec bras ouverts. J'ai connu, début des années 2000, le Portugal, où je skatais à Lisbonne, où j'ai failli prendre un marteau sur la tête, parce qu'on skatait sous un pont, et il y a un marteau qui est tombé juste à côté de nous, c'était un voisin, enfin un résident qui était venu et qui lâchait le marteau pour nous faire partir. J'ai eu les seaux d'eau, etc. Et ça commence même, là, en te parlant comme ça, avec mon voisin. Parce que je me dis, mais qui était le plus chaud? Bah, mon voisin, qui a failli me buter, et embrouille mémorable. Voisin, résidence pavillonnaire, hein. Donc c'est pas le voisin qui était, que je croise une fois tous les 10 ans. Non, le voisin, la maison d'à côté, qui pétait totalement les plombs parce que on faisait du skate là à longueur de temps et le skate le dérangeait. Alors que ce voisin que je connaissais depuis 75, j'ai joué au foot. J'ai joué au tennis sur la rue. Je me souviens encore avoir tracé à la craie le terrain de tennis de Yannick Noah et faire des tournois à longueur de journée à la raquette, taper, pas de problème. Le jour où j'ai pris le skate et que j'ai commencé à try hard, comme on dit aujourd'hui, à essayer dur, et le mec, ça l'a fait serrer. C'était pas quelque chose qu'il pouvait comprendre. C'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc la peur, la méconnaissance amène ce type de réaction. Moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi le délire? Donc, c'est un obstacle de plus à franchir. Un de plus, voilà. Your Honor, I'm here on behalf of the great state of Alabama to prove once and for all that skateboarding is, was, and always has been a crime. Alors c'est en 1987 que sort le slogan « Skateboarding is not a crime », une publicité de la marque Powell Peralta, qui sera diffusée dans la presse magazine de l'époque. « Skateboarding is not a crime » parce que vous faites du bruit, parce que de plus en plus de villes, notamment aux États-Unis, interdisent la pratique du skate, parce que c'est nuisible, c'est ça ? Ouais, c'est ça, mais c'est marrant parce que... David Turakiewicz, rédacteur en chef du fanzine À Propos. En France, on le vivait pas du tout comme ça, mais nous, en tant qu'ados, on était à fond, tu vois, que de faire un truc subversif encore, tu vois, un truc qui était assimilé à un crime, mais alors qu'en France, ça l'était pas du tout. Mais bon, on était super contents de véhiculer ce slogan-là, « Skateboarding is not a crime ». Alors, on alimentait même le truc, tu vois. On était content que ça devienne un peu plus subversif que ça ne l'était, quoi. C'était, je pense, que c'est un des premiers paradoxes du skate où on criait haut et fort ce truc, on l'écrivait sur nos cahiers de texte et tout, sur nos boards, sur nos grips. Mais en même temps, on alimentait le truc pour faire que ça en devienne un, quoi. Parce qu'en tant qu'ado, t'as envie d'être subversif, rebelle, quoi. Et vous faisiez comment, au-delà du boucan que vous faisiez sur les places publiques? C'est qu'on allait partout, on explorait tout, on allait dans les moindres recoins de la ville, au fond de la cité et des zones industrielles, les propriétés privées, tout était un obstacle potentiel, quoi. Dans des parkings souterrains, dans des endroits où on n'était pas censé être. Donc c'est en ça où, ouais, on était un peu nuisible, on va dire, parce que aussi on abîmait les... On participait à l'érosion du mobilier urbain, donc les bancs, les rebords de fenêtres, les rebords de trottoirs. On accélérait l'érosion du truc, quoi. Donc un excellent instrument d'expression adolescente. Effectivement, en tant qu'adolescent, c'était, je dirais pas l'objet idéal, mais pour moi, en tout cas, ça a été le meilleur moyen de canaliser ma crise d'adolescence, quoi. Pas mal, ça. Génial, c'est de devoir être créatif pour rendre skateable quelque chose qui, à premier abord, ne l'est peut-être pas. Fred Mortagne, dit French Fred, vidéaste, photographe et skateur. Globalement, tout l'intérêt du skate, c'est d'en faire sur des trucs qui sont pas prévus pour ça et où il y a un challenge. Et donc, moins c'est adapté et plus c'est intéressant. Ouais. Par exemple, ça peut être un tout petit truc à la con là, dans la rue, que d'ailleurs nous quand on se balade en ville on voit des marques, on voit des traces et puis c'est des codes cachés là dans la ville, c'est un peu comme du street art, un skater il se balade, il voit ah tiens là il y a un mec, il a fait des slides ou il a fait un grind, et c'est comme une société secrète qui a un langage qui est visuel, qui est dans la ville. Donc quand je suis en vacances, un skater il observe la ville tout le temps pour trouver des spots, comme les surfeurs qui sont à la recherche de la vague parfaite, le skater, lui, il cherche la vague de béton constamment. Sauf que le skater, lui, il peut laisser une trace, comme un vieux chef de meute de loup. Ouais, bah il y a un peu cette notion aussi de marquer son territoire, oui, de laisser des traces, oui, et puis des fois revenir 20 ans plus tard et de voir qu'il y a toujours la trace, elle est toujours là, ou alors que du coup, depuis, ils ont mis des anti-skates ou des machins, ou alors que ça a été démonté, mais... Il y a ce côté touriste de skater, c'est marrant, ouais, de retourner dans des lieux et de voir que voilà, il y a toujours des traces qui sont là. Sachant qu'à l'image du loup et de son territoire, il y a certaines traces qu'il faut respecter. Parce qu'ici a été plaquée, entre guillemets, une figure et qu'on ne peut pas refaire la même. Il y a des règles. Oui, il y a des règles et les skateurs les connaissent super bien. J'hallucine toujours à quel point... ils savent qu'est-ce qui a déjà été fait sur tel spot, alors c'est aussi l'intérêt... Sur telle rambarde d'escalier. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un guide quand on va dans un lieu qui lui va nous dire, bah là, il y avait tel team qui était venu, ils avaient fait tel truc. Puis s'il y a un skater qui veut faire une figure, ok, t'as le droit de la faire parce qu'elle n'a jamais été faite. Avant, c'était précis, hein. C'est un peu plus relax maintenant. Des fois, il y en a qui refont les figures. Mais pour les vidéos de skate, ouais, on ne peut pas trop le faire. Ouais, ouais. Ça pourrait être vu comme du non-respect, ouais. En fait, l'idée, elle était venue de... où là, il y avait des platanes qui, malheureusement, ont eu une maladie et ont dû être coupées. Donc, c'était vraiment un petit peu caché. Et au début, on venait essentiellement pour skater ces rampes d'escalier-là, qui sont d'ailleurs très connues. Là-dessus, il y a eu une couverture de Thrasher Magazine avec Geoff Rollet, très connu. Moi, j'ai fait le grind ici. Et donc, il y a beaucoup de gens qui venaient ici. Et c'est vrai que c'était l'endroit un peu idéal parce que c'est en centre-ville. On n'est pas très loin, on peut venir en skate ici, mais on est un petit peu caché. Et donc, on a commencé à améliorer un peu l'endroit, à construire des petits trucs en béton. Et puis, personne n'a rien dit, donc on a continué. Et puis, petit à petit, voilà, là, je pense que la ville est peut-être bien contente parce qu'on lui a construit un skatepark pour gratuit et les jeunes s'amusent. Et la chose à noter aussi, c'est que c'est un spot de graffiti toléré, voilà. Et donc, c'est un bel esprit aussi, je trouve, où les gens viennent taguer ici, font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on peut voir des couches de peinture qui sont assez incroyables. Donc là, on va arracher un bout de mur. Waouh! Ah ouais, on a un centimètre de... Les strates de couleurs, là, c'est assez incroyable, je trouve. C'est vraiment beau, ouais. C'est de la sédimentation. Mais grave. Alors pourquoi c'est une... On est adossé au très chic 6e arrondissement de Lyon. Ça c'est le Rhône ou la Saône ? C'est le Rhône. Okay. Et donc en fait on est... Pourquoi on est dans cette espèce de... C'est un ancien pilier de pont qui a été détruit par les Allemands pour ralentir l'avancée des Américains. Et donc, c'est un peu compliqué au niveau de la construction, des poids, de voilà. Donc il ne peut pas se passer grand-chose ici. Et du coup, ça nous va très bien, et voilà. Et puis, on profite joyeusement de la ville et de tous les avantages qu'elle peut nous procurer. Et tous les gens sont les bienvenus. C'est-à-dire que, en gros, quand on ne connaît pas une ville, on va au magasin de skate de sa ville et ils nous donnent une carte de tous les spots, quoi, avec les us et les coutumes de chaque spot, de pas y aller à telle heure parce qu'il y a des vigiles ou voilà. Donc, il y a vraiment ce truc de partage et de bienveillance et d'accueil. Qu'on trouve pas en surf, malheureusement. Ouais. On se fait souvent crever les pneus si on va sur une vague. On n'est pas le bienvenu. Ouais. On a parlé de l'espace, des murs, des courbes, mais on n'a pas parlé de la matière. La branche de la physique qui étudie les phénomènes de frottement, ça s'appelle la tribologie. Ouais. Et c'est très important en skateboard parce que ça procure des sensations différentes selon les surfaces sur lesquelles on pratique le skateboard. C'est-à-dire que traiter ou imaginer que le skate est une activité où on roule, c'est pas suffisant. C'est une activité où on roule, mais c'est une activité où on racle. C'est une activité où on glisse, où on frotte. Toutes les figures, elles sont faites essentiellement de ce type de mouvement qui vient contrer le roulement. Et c'est une activité qui est du coup très sensible aux matériaux. On glisse pas ou on racle pas de la même manière sur de l'acier que sur du marbre ou sur du goudron ou du béton. Donc les skaters sont très attentifs aux matériaux et à la manière dont ils vont réagir aux éléments constitutifs d'un skateboard, c'est-à-dire au bois, à l'uréthane, c'est les roues, hein, c'est une matière plastique, ou à l'aluminium que constituent les trucks, les essieux donc. Et c'est tout, on va skater ou pratiquer différemment un spot en béton, en granit ou en bois. C'est pas même nécessairement que les figures vont être différentes, mais c'est que la vitesse, la position du corps, la manière de placer le centre de gravité va se faire en fonction de l'estimation du frottement ou du glissement de tel ou tel matériau. Et un skater expérimenté va avoir intériorisé ce type de rapport au frottement et à la glisse. Et donc, il va adapter sa vitesse et son centre de gravité au type de figure et de matériaux. L'autre aspect, le corollaire, et je crois que c'est important pour vous qui faites de la radio, c'est le son. Ça veut dire que acoustiquement, il se passe plein de choses pour le skater. C'est-à-dire que si je ne vois pas des skaters, mais si je les entends, je sais à peu près quel type de figure ils font, je sais quand ils réussissent ou quand ils ratent, je sais combien ils sont, mais je sais aussi me souvenir du type de revêtement des rues de la ville dans laquelle j'ai grandi, à Nîmes. Je sais que telle rue était pavée et que les pavés étaient irréguliers. Je sais que telle autre rue était goudronnée, que telle autre rue était bétonnée, parce que les roues du skate étaient un petit peu comme une tête de lecture qui révélait la surface de la ville. Et donc, soit avec un rythme du genre tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac, si les pavés sont réguliers, ou soit tac tac tac tac tac tac tac tac tac si on a utilisé deux ou trois tailles de pavés différents, ou alors avec ce son, je sais pas, est-ce que c'est un son plus blanc ou quoi, du Où est-ce qu'on se trouve, Jérémy? On se trouve en cœur de ville à Lyon, dans le premier arrondissement, place Louis Pradel, qui est un haut lieu du skate lyonnais, national et aussi international. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Eh bien, en fait, c'est une place entourée de bancs. Normal. C'est normal, une place classique. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une street plaza, c'est-à-dire qu'avec un œil de skateboarder ou de pratiquant de sport urbain, on voit des trucs géniaux, mais en tant que citoyen lambda, on a envie de s'y balader, de s'asseoir et de manger son sandwich. Voilà. Alors, vous qui avez l'œil, en quoi elle est extraordinaire pour un skateur? Pour un skateur, en fait, on y voit des bancs sur lesquels on peut glisser très bien, une statue avec quatre plans inclinés qui sont idéales pour se projeter, décoller, faire des figures, une palette qui fait 30 cm de haut, qui est idéale pour rester en équilibre sur les roues avant ou sur les roues arrière. Enfin bon, elle est super, ouais, elle est super bien. Il y a un skateur professionnel là qui est sur la place. Ouais, il y a Mathis. Alors, est-ce qu'il est respectueux des codes du skateboard? Il est tout à fait respectueux des codes du skateboard. Il a sa bière avec lui. C'est lui là-bas avec la grosse moustache de Texan. Ouais. Mathis! Mathis! Tu veux faire une interview? Non, mais c'est pour la culture. Non, juste deux secondes. Pour la culture. Non, j'essaie de comprendre pourquoi c'est le Graal ici. Parce que le sol, bah, c'est un caviar, quoi. Pourquoi? Bah, il est parfait. C'est tout lisse, mais pas trop lisse. Tu sais, il y a des petits cracks, mais c'est léger. Du coup, je sais pas, quand on roule, c'est juste rouler, c'est trop bien. Pourquoi les petits cracks sont sympas? Le son, c'est grave important. Pourquoi? Bah, je pourrais pas expliquer. Des sensations auditives ou même physiques. C'est quoi? Tu peux imiter le bruit, ouais. De cette place? Ouais. Ah, c'est dur. Parce que je peux pas l'imiter, mais regarde. Je peux le faire, juste devant toi, comme ça. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, ça fait pas tant de bruit, mais c'est juste le ta-ta-ta-ta. Alors, je vois que la place a été... On a installé des barres de fer pour pas que vous abîmiez trop le mobilier. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Mathis? Vous préférez un endroit brut où on essaye de vous empêcher pour pouvoir inventer de nouvelles figures, ou au contraire un endroit friendly qui a été conçu pour vous? Je préférais avant, en fait. La pyramide, déjà, là, maintenant, je m'amuse beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Bah, parce qu'avant, il y avait une sorte de petit crack tout en bas. Je pense, en fait, le sol, c'est ça, hein, GG, il doit savoir. Le sol, il a été rehaussé. Et en fait, avant la pyramide, il y avait un crack comme ça. Du coup, pour monter dessus, fallait faire une sorte de... Enfin, fallait lever un peu la planche, sinon... Fallait faire tac-tac. Ouais, tac-tac. Mais maintenant, il n'y a plus de tac-tac. Elle est juste plus petite. Et je sais pas. C'est un peu moins marrant pour moi, ça. Et après, ce qui est pas mal, c'est que les bancs sont plus bas maintenant. Du coup, on peut essayer plus de figures. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, quel genre de figure on peut faire sur un banc, par exemple? Oh, bah... En français? Mais il n'y a pas de mot français. Je crois que c'est rien au français. Alors, est-ce que tu peux décrire pour l'auditeur et l'auditrice la figure que tu vas faire? La figure que je vais faire là? Peut-être tu peux essayer de faire un crux. Ou un 5-0. Un 5-0. Et ils peuvent essayer de l'enregistrer. Okay. Pourquoi c'est... Parce que c'est l'une des figures qui fait le plus de bruit et qui peut être intéressant pour la radio. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le truck, le bout en fer, l'essieu arrière de la planche, va toucher le banc et va glisser et ça va faire un... Donc c'est un grind. C'est un grind. Un grind. Où, alors ? Je vais le faire juste avant la plaque d'égout là-bas. Il était un peu court. Hein, il était un peu court, il peut mieux faire. Mais... C'est un jeune. Ouais. Pas mal le bruit. Hein. Ouais. Un peu court. Un peu plus long. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a les trous comme ça. Mais je croyais que les trous, c'était bien parce que ça fait tac-tac. Ça, je voulais pas prendre de risque pour la radio quand même. J'avais pas me faire une triple fracture de je sais pas. Ouais, petit joueur. Quoi. Ouais, je suis petit joueur. De Il a des choix, c'est pour ça. Il y a pas d'hôpital là-bas. Tu te fais mal, t'es dans la merde un peu. Hein. T'es dans la merde. Hein. Je peux en refaire un si tu veux. Allez. Pas mal. Très très bien celui-là. Là, il est tombé. Ouais. Mais ça fait partie du truc, ouais. En fait, le skate, c'est 90% du temps où tu tombes. Et c'est une sorte d'abnégation à arriver à réussir. Et c'est pour ça, en fait, souvent, les gens pensent que c'est dangereux. Mais c'est une succession de petits coups répétés, où on se prend la planche et tout ça. Mais il y a peu de dangerosité, en fait, parce qu'il y a peu d'amplitude. Et c'est beaucoup moins d'amplitude que dans le ski, le vélo, tout ça. On monte nettement moins haut et voilà. Et en fait, il y a beaucoup moins de fractures. Il n'y a, ouais, a pas de mort, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, c'était un autre bruit parce que ça n'était pas le fer, mais le bois qui glissait. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a eu un projet pour faire anti-skater la place. Anti-skater. Voilà, c'est-à-dire l'interdire au skateboard. Et donc là, il y a eu une levée de bouclier, on a monté une association et on a fait un énorme dossier pour montrer tout l'impact culturel dont je vous parlais. Et donc, il y a eu de longs débats avec la ville. Et donc, on a été amené à collaborer avec eux pour refaire la place à l'identique, mais à intelligemment mettre 2-3 arêtes en métal pour que le mobilier urbain soit mieux protégé et la pratique du skate soit favorisée. Et donc, c'était quel maire quand la place Louis Pradel a été refaite ? Gérard Collomb. Il est venu à l'inauguration ? Il est venu à l'inauguration et on avait fait des planches à l'effigie de la place pour toutes les personnes politiques avec lesquelles on avait travaillé et on les a données à tout le monde et c'est le seul qui a refusé de prendre la planche. Et peut-être hors micro, voilà. Jamais. Jamais hors micro. Non, mais voilà, c'est horrible à dire, mais les gens de la ville sont tout à fait conscients que le fait qu'il y ait des skateurs qui utilisent la place Louis Pradel, qui est en bas des pentes, où c'est des endroits un petit peu chauds de Lyon et tout ça, ça évite qu'il y ait toute une faune de deals et de squats qui s'installent ici, voilà quoi. Ou de rassemblements politiques comme Nuit Debout à République, où on a aménagé un petit skatepark. Ouais, ou sous le métro La Chapelle, ouais, où il y avait trop de migrants. À Lyon, ça n'a jamais été un point de rencontre de manifestation. Non, je parle d'une façon générale. Pour élargir le débat, tout à fait. Oui, non, mais c'est sûr que pour éviter le squat, que ce soit du squat lié à la drogue ou lié à l'immigration et malheureusement la pauvreté, oui, le skate est un allié des urbanistes. Voilà. C'est malheureux, mais c'est plutôt bien pour nous, mais voilà. C'est un état de fait, voilà. Sip the juice, I got enough to go around. And the thought takes place uptown. I grew up on a sidewalk while on street talk. And then talk to all New York. I go to Queens for Queens to get the food from Brooklyn. Make money in Manhattan and never been took it. Go uptown to the Bronx and boogie down. Get strong on the island, recoup and lay around. Time to build my... Cette phrase très connue chez les skateurs du journaliste Craig Stesic, qui dit « 200 ans de technologie américaine ont créé, sans qu'on y prenne garde, un immense terrain de jeu en ciment au potentiel illimité, mais il aura fallu les yeux d'enfants de 11 ans pour saisir ce potentiel. » Exactement, c'est ça. Nous, c'est juste infini les possibilités. De toute façon, t'as pas le choix, t'es petit, il faut prendre ce qu'il y a autour de toi et le transformer en quelque chose de créatif, de positif si possible, à l'image de ce qu'a fait le punk rock. Le hip-hop, ils ont pris la même voie. C'est pour ça qu'on a été très connectés et on est toujours très connectés en termes d'origine et de créativité. Alors c'est quand et comment l'association entre le skate et la musique, comment elle se produit chez vous ? Les premières vidéos de skate que j'ai pu voir, notamment Street on Fire, et le son c'était Catholic Block, je crois, de Sister, Sonic Youth, l'album. Vous pouvez nous... Allez, si. Tu peux le Chazamiez comme ça, c'est-à-dire que vous essayiez de chanter la musique, d'avoir l'air de la musique, ouais. Vous preniez le RER jusqu'à Paris, vous alliez à la Fnac, vous chantiez la musique. C'était, mais vraiment, j'étais là parce que timide, choper, donc prendre le RER, aller à Paris, Châtelet, choper le vendeur de la Fnac, faire en sorte qu'il soit plus ou moins attentif, et puis après se lancer et chanter ce truc-là de mémoire, puis de regarder un mec ou une nana Fnac complètement halluciné qui parfois nous guidait, parce qu'apparemment j'étais pas le seul, vers des trucs qui pouvaient s'apparenter à ce qu'on voulait, quoi. Vous en avez là, des vieilles vidéos oui. Qu'on pourrait voir ? Oui, bien sûr. Ouais, on peut y aller. elle est là, je sais qu'elle est là, elle est peut-être ici. Bah voilà, elle est là, ce serait temps de faire. Eh bien, on va prier pourvu que ça marche. Allez, accepte. Voilà. C'est bien, c'est la même sensation qu'à l'époque. Sur l'intro de cette vidéo. Alors, ce qui est con, c'est que quelques années après, tu te rends compte qu'en fait, dans le générique de fin, il y a le nom de toutes les musiques. Ça. Tu fais merde, je me suis fait chier alors que c'est écrit à la fin. Ça, c'était terrible. Pour l'ego et le et l'orgueil et l'honneur. Et là, ça reprend cette vidéo mythique qui est Street on Fire avec Jason Jesse qui est dans le scénario mis en prison parce qu'il a fait du skate sur la voie publique. Et en fait, tous les gars du team Santa Cruz reviennent le voir, lui faire une petite visite. Et à chaque fois qu'il y a un mec du team qui vient le voir, il y a une vidéo part qui commence, quoi. C'est-à-dire les 2-3 minutes de chaque skater. Voilà, ce type de son, quand t'es en quatrième dans les années 80, bon, t'es loin. Tu vois, Patrick Bruel et machin, tout ça, c'est pas... Désolé, Patrick, mais t'es très, très, très loin. Sachant que je viens de la banlieue parisienne, que métis, il n'y en a pas 12 000 au collège, encore moins qui écoutent du punk rock. Donc forcément, le gap déjà de ma communauté compliqué, quand je dis communauté... plutôt les gens métis en banlieue, c'était plutôt la musique caribéenne, hein, le zouk et tout. Mais là, au revoir. Salut les gars, je suis parti. Et donc, la musique est un adjuvant ? Ah oui, clairement. De faire le holi, c'est pas comme taper dans une balle de foot. Donc c'est vraiment vénère, il y a vraiment un engagement. Et cette musique-là, en l'occurrence celle qu'on vient juste d'entendre, peut représenter cet engagement-là. C'est le feu dans sa tête, quoi. Il faut vraiment se surpasser dans le sens où il faut se projeter sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais fait. Donc c'est-à-dire qu'on va passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour réussir une figure qui dure même pas une demi-seconde. Et là, d'un seul coup, on se dit « Ah ouais, ok ». La première des personnes à convaincre, c'est moi. Si j'y crois, si j'essaie, il y a moyen. Le skateboard est une activité mi-sportive, mi-artistique, qui permet de ressentir d'agréables sensations, comme par exemple celle de vagabonder dans les rues, ou de réussir enfin à sauter par-dessus des escaliers. l'apprentissage du skateboard est long et périlleux. Le skateboard amène à voyager, à créer des liens, à devenir libre, ou encore à se briser les couilles bêtement en filmant pour une vidéo. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil avec une boisson fraîche. La vidéo Filming Crazy vous procurera d'agréables sensations avant ou après votre prochaine session de skateboard. On va rentrer dans le cirque. On va voir si on se fait virer. Même sans rien faire, on peut se faire virer. Les fameuses marches. Les 25 marches, c'est devenu mondialement connu. Donc on est où ? Là, on est à Lyon, à la Cité Internationale. Et il y a un centre de congrès, il y a des cinémas, un casino. Et Interpol. Et Interpol. Ouais, et voilà, c'est un espace où il n'y a pas de vie, où il ne se passe rien, c'est vide, c'est désert. Donc concrètement, il y a 25 marches. On est à quoi ? 3 mètres de hauteur par rapport au... À l'étage du dessous ? Non, j'avais mesuré, ça fait à peu près 4,50 m de haut et 6,50 m de long. Et l'idée, c'est de s'élancer de là-bas. Et de sauter, quoi. Et de se lancer dans le vide, quoi. Et puis faire sa prière. On a le temps, quand on est en l'air, on a le temps avant de replaquer, de faire une petite prière et puis de voir ce qui va se passer, ouais. Ouais. Et donc la première fois que quelqu'un tente, c'est Ali Boulala en 2002. Tout à fait. Et vous étiez le filmeur. Ouais, j'étais le filmeur et donc on est venu une première fois, mais il a cassé toutes ses planches. Et après, on est revenu une dernière fois et là, il s'était fait mal, ouais. Et bon, bah, il l'a pas fait parce que oui, c'était l'impact. C'est l'impact à la réception, il est vraiment c'est phénoménal. Pourquoi les skateurs de street font-ils ce genre de choses ? Ce qui était dans la rue, il y a le challenge de s'adapter à des spots, dompter des spots qui n'ont pas été prévus à cet effet. Et sauter des marches, ouais, ça fait partie des choses. Ça va avec les sensations fortes, ça va avec le challenge. Il y a le truc du toujours plus, et c'est vrai que l'unité marche est une unité internationalement connue. Tout le monde a des marches d'escalier chez lui, dans sa ville et tout ça. Et donc le fait de dire 25, c'est un nombre qui n'avait jamais été atteint. Et donc ça a été mythique et ça l'est toujours parce qu'il y a très très peu de personnes qui l'ont fait. Et qui l'a fait alors ? Alors c'est Jaws, c'est son surnom. Donc les dents de requin. Les dents de la mer, ouais. Et Aaron Omoki qui vient d'Arizona. Vous étiez là à nouveau ? Ouais, les skateurs en fait, quand il y a des skateurs étrangers qui viennent dans une ville, il y a... Bah ouais, puis comme on était là la première fois, c'était 13 ans avant, pour lui, symboliquement, c'était important qu'on soit là et qu'on fasse partie de l'aventure, ouais. Et alors, que s'est-il passé ? Ça a été compliqué, il est venu une première fois, je dirais qu'il est arrivé, il a essayé, on s'est fait virer, mais assez sèchement, c'était hyper compliqué, c'était jamais arrivé comme ça. Donc, problème, zut, on ne peut plus essayer, comment on va faire, la sécurité, ils n'étaient pas contents. Sachant qu'il était venu des États-Unis avec un caméraman, un photographe, son père, Ali Boulala était venu aussi spécialement pour l'événement, donc il y avait vraiment une grosse organisation, donc ça ne pouvait pas s'arrêter là. Puis après, on a eu une autorisation ouais, pour pouvoir le faire. Donc, Jaws arrive et il saute. Et il saute, mais donc ici l'idée c'est de pas sauter trop de fois quoi. C'est Ali quand il a essayé, il avait essayé deux fois quoi. C'était le maximum. Jaws la première fois quand il a essayé, il a cassé sa planche la première fois et je lui ai remonté vite fait sa planche parce qu'il me disait dépêche-toi, je sens la douleur qui monte et je veux le refaire avant d'avoir trop mal et de plus pouvoir marcher. Et en fait, voilà. Ce qui est compliqué, c'est de replaquer sur la planche. Et que les pieds... Replaquer, c'est-à-dire retomber bien sur la planche. Retomber bien sur la planche, ouais. En fait, il faut vraiment replaquer sur les essieux. Sinon, tu casses la planche. Sinon, l'impact est trop puissant et la planche, qui est 7 plis d'érable canadien, casse instantanément comme des allumettes. Et finalement, il l'a replaqué, il l'a fait, mais parce qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé, sa planche, elle a un petit peu cassé, elle a un petit peu craqué. Et du coup, ça fait un petit amorti, ouais. Et c'est ça, en fait, ce qui a été salutaire pour lui, ouais. Right here, John! Zip! là, on fait face à un événement mondial. Bah ouais, parce que c'est le plus gros truc qui a été sauté en skate, donc c'est un exploit, c'est mythique, c'était déjà mythique, juste le fait d'avoir essayé. Alors que normalement, dans le skate, un truc qui n'est pas fait, ça n'a aucune valeur. Mais là, il y avait cette exception avec Ali Boulala qui s'était lancé là-dessus. C'était respectable, en fait, déjà, ouais. Et la photo de Kamboula la rate est limite presque plus mythique que la photo où il le rentre, parce qu'on le voit en l'air en train de pédaler, sa planche qui va à droite, lui à gauche, et on ressent vraiment l'impact qui va arriver, voilà. Et donc, ça a été tellement un événement mondial qu'en fait, ça dépassait le skateboard, et c'est là où tous les autres sports dits urbains sont venus se frotter aux 25 marches, et donc il y a eu les trottinettes, le parcours, le BMX, voilà, il y a tous ces autres sports qui sont venus ici. Ce qui n'a pas manqué de vous agacer. Donc c'est le skate qui pose les standards, il n'y a pas de problème. Et du coup... Bonjour. Non, c'est public ici, monsieur. Ah, si, si, on le sait bien. Hein. Bah, vous voyez, on l'avait voilà. dit. Hein. Même sans rien faire, même à être à pied, on discute. On n'a pas le droit. Bonjour. Non, c'est bonjour. Public ici, monsieur. Mais si, c'est pas public, c'est privé. Si, si, c'est public. Vous voulez qu'on vous appelle, rigolez ah, appelez, appelez qui vous voulez. Ici, c'est le centre des congrès. Non. C'est privé. Non, non, ici, ça appartient à la ville de Lyon. De toute façon, on fait que discuter. Vous avez une permission bah, venez pas, avec moi. J'ai venez. Pas besoin de permission parce que c'est public ici. Venez vous avec avez moi. Vous peut-être un papier qui dit que c'est privé. C'est pourquoi je vous demande de venir avec moi. On parle pas de responsable. Venez avec moi. On ne va pas aller jusqu'au responsable. Vous n'avez pas. Monsieur, on travaille pour France Culture. Oui, mais ça, je sais. On est là pour 5 minutes. Avant d'arriver ici, vous avez droit à une permission. Venez avec moi, venez. On était venu là, on ne va pas y aller parce qu'on ne va pas prendre des tâches. En fait, on ne fait rien. C'est vite tendu ici, tu vois. C'est, hein, on parle avec un micro et voilà, il y a quand même de la tension. Ouais. Hein. C'était Skate de la rue au JO, deuxième épisode, le skate à la conquête de la ville, un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakuboviez. Avec Pedro Winter, Raphaël Zarka, Claude Kerel, Mathias Tomer, Jérémy Daclin, David Turakiewicz, Fred Mortagne et Mathis Ban. Prise de son, Hélène Langlois. Documentation Anne-Lise Signoret, mixage Éric Villenfin, archivina Pierre Pinault. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages et les trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille.